Section 90 de La Lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 7e, section 90, La Seconde Mère par Henri Gréville, chapitre 19. Etme, cependant, avait pris très au sérieux la confiance d'Yveline et son rôle de protecteur. Dès le matin, sous prétexte de tirer quelques coups de fusil, il partit dans les plaines, doré par un joli soleil de septembre. Et comme on peut le croire, il se dirigea du côté de la maisonnette, pour en voir au moins l'extérieur. Pendant qu'il arpentait les routes, en compagnie d'un vieux chien, ami de sa jeunesse, Madame de la Rouveraie avait amené Yveline dans son petit salon. Cette pièce n'avait guère changé depuis le jour où Richard y avait reçu notification, 16 ans auparavant, de l'arrêt qui le privait de sa fille. On avait renouvelé l'étoffe des sièges, changé les rideaux des fenêtres, et c'était tout. Madame de la Rouveraie, elle-même, n'avait pas beaucoup plus vieilli que ses meubles. La grande placidité de sa vie l'avait préservée des rides. Seul, son lorgnon, dont les verres avaient dû être renforcés, témoignait du cours des années. « Ma chère mignonne, » dit-elle à Yveline, qui errait dans le salon, rétablissant ça et là la symétrie chère à la vieille dame. « Assieds-toi donc, j'ai à te parler de choses sérieuses. » Yveline flaira le danger et dressa moralement les oreilles comme une jeune pouliche. « Tu auras 18 ans dans quelques jours, » fit Madame de la Rouveraie d'un air posé. « Quoique tu sois très jeune, assurément, tu voilà à l'âge où l'on marie d'ordinaire les jeunes filles, et j'ai à cœur de te voir établie avant de quitter ce monde. » Toute sa vie, la bonne dame avait escompté sa mort prochaine, et s'en était, d'ailleurs, fort bien trouvée. Elle n'était point superstitieuse, quoiqu'elle craignît le vendredi. « J'ai bien réfléchi, » continua-t-elle, en réponse au joli regard mélancolique attaché sur elle par Yveline, « et j'ai arrêté mon choix sur un parti qui me semble convenable sous tous les rapports. « Vous avez arrêté votre choix pour mon mari ?» dit la jeune fille d'un ton posé qui déconcerta un peu la grand-mère. « Oui, tout se trouve dans cette alliance, un beau nom, une fortune en rapport avec celle que tu dois avoir, un homme aimable et de plus un voisinage qui me permettra de t'avoir près de moi tout l'été. « Ce n'est pas Monsieur de Varcourt ?» demanda Yveline. Le calme qu'elle affectait était si peu en harmonie avec ce que l'usage exige des jeunes filles lorsqu'on leur parle de mariage, que Madame de la Rouveraie en fut abasourdie en même temps qu'irritée. « Et quand ce serait Monsieur de Varcourt ?» répliqua-t-elle avec une nuance d'aigreur. Yveline, gardant le silence, la grand-maman reprit l'éloge de son protégé. « Tu ne dis rien ?» fit-elle, agacée enfin de voir se prolonger ce silence d'abord respectueux, puis inquiétant. « Je vous écoute, grand-maman, » répondit la jeune rusée. « Mais te plaît-il ? » Yveline leva les yeux bleus sur Madame de la Rouveraie et répondit tranquillement « Non, grand-maman. »« Comment non ? Et tu me laisses aller t'expliquer te « qu'est-ce que cela veut dire ?»« Ma chère grand-maman, Monsieur de Varcourt ne me plaît pas, mais j'ai cru de mon devoir d'entendre tout ce que vous aviez à me dire de lui dans la pensée que peut-être j'apprendrais quelque chose de nature à m'influencer. Cela ne m'a pas influencée. » Influencée ? « Je ne comprends pas, mon enfant. Que reproches-tu à Monsieur de Varcourt ?»« Je ne lui reproche rien, grand-maman. Seulement, il ne m'intéresse pas. » Madame de la Rouveraie regarda sa petite-fille avec attention. Un tel argument était absolument nouveau pour elle. Depuis quand se permettait-on de juger un prétendant sous un prétexte aussi futile ?« Tu voudrais peut-être pour mari un héros, un chevalier du temps des croisades ?» dit-elle avec un demi-sourire. « Je ne te savais pas romanesque. »« Je ne suis pas romanesque, grand-maman, » répondit Yveline. « Mais Monsieur de Varcourt n'a rien en sa personne qui ait pu attirer mon attention d'une manière flatteuse. » « Il est joli garçon, » insista la grand-mère. « Il a l'air d'une poupée en peau, » dit brusquement Yveline, énervée, « avec ses rougissements perpétuels. Je ne sais pas si c'est français, ce mot-là, mais un monsieur qui rougit 24 heures par jour est absolument ridicule et je ne pourrais jamais aimer un être ridicule. » « On ne se marie pas uniquement pour l'apparence extérieure, » fit Madame de la Rouveraie d'un ton piqué. « Monsieur de Varcourt a des qualités plus solides. » « Sa conversation ?» retorqua irrévérencieusement Yveline. « Il est sot comme une lanterne. »« En vérité, ma fille, » dit la grand-mère choquée, « je ne sais ce qui te prend. Tu me parles d'un ton ?»« Grand-maman, » s'écria la jeune fille en rougissant de colère, « je ne vous reconnais plus. » « Vous êtes bonne et indulgente, et voilà que vous voulez me marier à un monsieur absurde. Vous ne l'avez donc pas regardé ?» La scène qui suivit fut d'une singulière violence. Madame de la Rouveraie, qui ne s'emportait jamais, possédait un arsenal de mots coupants, à double lame, et dont la froide blessure laissait des traces ineffaçables. Yveline, gâtée depuis l'enfance, habituée à un égoïsme inconscient, se voyait pour la première fois soumise à la contrainte. Méconnaissant l'affection réelle de sa grand-mère pour ne voir que le despotisme présent, elle se révolta et fut franchement ingrate. Après quelques répliques fort dures de part et d'autre, Madame de la Rouveraie se leva. « Sans doute, dit-elle, je ne puis pas te forcer à épouser Monsieur de Varcourt, s'il te répugne à ce point. » Mais il me semble que mes 18 années de tendresse, en outre de ce que tu dois à ta grand-mère d'après les lois de la nature, demandaient en récompense un peu de soumission. « Je vous respecte, grand-mère, et je vous aime, » répliqua la jeune fille, « mais je n'ai jamais cru que 18 années de vos soins maternels pourraient entrer en combinaison avec le bonheur de toute ma vie. Quel que soit le mari que le ciel me destine, je veux l'estimer. » et l'aimer, comme mon père estimait ma mère, et non point voir en lui un fantoche, un épouvantail pour les petits oiseaux. « Vous êtes folle, » dit posément Madame de la Rouveraie. « Montez à votre chambre et n'en sortez que pour me demander pardon. » Elle sortit là-dessus, tout bouleversée malgré son calme apparent, se demandant d'où venait l'inconcevable disposition de sa petite fille, et à 100 lieues de supposer que toute cette indignation provenait d'un jeune amour né de la veille et résolu de rester maître de sa destinée. Montée à sa chambre, Yveline n'y était pas disposée le moins du monde. Les joues en feu, le sang bouillonnant, elle avait besoin de marche et de grand air pour se calmer. Elle traversa le parterre et courut dans le parc, où l'ombre et la fraîcheur lui rendirent un peu de tranquillité. Lorsqu'elle eut apaisé par une longue promenade la surexcitation de ses nerfs, elle s'assit sur un banc et pleura tout à son aise. On avait voulu l'immoler, la sacrifier à des raisons d'intérêt. Pauvre Yveline! Heureusement, elle ne s'était pas laissée faire et on ne la mariait pas malgré elle. Et celui qui l'aimait? Que dirait-il s'il savait qu'on la rendait malheureuse à ce point? Comme elle avait envie de courir à la maisonnette et de dire sa pensée à la chère cousine. Était-ce si loin et n'y pouvait-elle vraiment aller? Un retour sur elle-même la fit rougir de confusion. Si Georges était là, que penserait-il en la voyant? N'aurait-elle pas l'air de venir au-devant de lui? Après tout, qui aurait-il là de répréhensible? La fortune qu'elle possédait, par malheur, ne lui imposait-elle pas le devoir de faire une démarche que Georges, pauvre et fier, n'oserait jamais tenter? Ce serait si doux de venir à lui, les mains tendues en lui disant « J'ai tout deviné ». Madame de la Rouveraie avait raison, Yveline était bien un peu romanesque. Soudain, elle eut très honte. Que deviendrait-elle si Georges lui répondait froidement « « Vous vous êtes méprise, mademoiselle, je ne vous aime pas. » Il n'avait rien dit, elle pouvait s'être trompée. Pauvre Yveline, que la vie était cruelle. Après avoir bien pleuré, elle reprit le chemin du château. Le déjeuner n'allait pas tarder et elle ne voulait pas se faire attendre. n'ayant pas pris au sérieux une minute l'ordre de rester dans sa chambre. Elle n'avait jamais été très obéissante, mais ses désobéissances avaient rarement amené à des conflits. Sa grand-mère estimant qu'il faut savoir fermer les yeux sur le passé lorsque tout est rentré dans l'ordre. Maxime excellente quand on aime la paix, mais dont les résultats dans l'avenir dépassent parfois les prévisions du présent. Sans penser à mal et le plus naturellement du monde, Evelyne, très calmée et un peu mélancolique, prit le chemin du château. En longeant les communs, elle entendit la voix des Jaffet, qui gourmandait. « Des bêtes comme ça, disait-il au valet d'écurie, et les laisser engraisser. Mais vous ne savez donc pas ce que c'est qu'un cheval ? Ah bien, si M. Richard voyait ça ? Les chevaux ne sont pas à lui, par bonheur, et les gens non plus, répondit la voix goguenarde du domestique. Jaffet répliqua quelque chose qu'Yveline n'entendit pas. Curieuse et aussi blessée de ce qui venait d'être dit relativement à son père, la jeune fille voulut traverser la cour. Le phaéton qui avait amené Edme la veille était presque attelé. « Bonjour, Jaffet, » dit Yveline. Depuis qu'elle aimait son frère, elle s'intéressait davantage au brave homme. « Bonjour, mademoiselle. Quand est-ce que mademoiselle me fera l'honneur de me permettre de lui enseigner à conduire ?» Sans doute, mademoiselle a reçu une belle éducation, mais une éducation n'est pas complète quand on ne sait pas tenir les rênes d'un cheval, et mademoiselle n'a pas appris cela au couvent, je pense. « Vous avez raison, Jaffet, » répondit Evelyne avec un sourire attristé. « Ce serait pour un de ces jours, et c'est vous qui serez mon maître. C'est beaucoup d'honneur que me fera mademoiselle. » Mais sans vanité, je crois que je le mérite, car pour conduire, je ne crains personne, et pour avoir soin de mademoiselle, mademoiselle n'a pas de commission pour les pignons. Voilà que je rentre. Moi, non. Vous direz à ma grand-mère Brice que j'ai envie de la voir. Elle devrait m'envoyer chercher un de ces jours. On le lui dira, mademoiselle. Voilà, dans 3 minutes, on sera parti. Il rentra dans la sellerie pour endosser sa livrée, et Evelyne se dirigea vers la maison. Comme elle montait les degrés, elle leva les yeux et vit devant elle, dans le hall, sa grand-mère qui la regardait avec des yeux sévères. Madame de la Rouveraie faisait très rarement montre d'autorité, mais quand cela lui arrivait, elle dépassait la mesure. Un instant après avoir relégué Evelyne dans sa chambre, elle était allée l'y retrouver pour obtenir des explications et faire la paix, même en sacrifiant l'infortuné Varcourt, si c'était nécessaire. Sa surprise avait été indicible de trouver la porte ouverte et la chambre vide. L'idée de la possibilité d'une catastrophe n'avait pas même effleuré son esprit, mais la réalité de la rébellion l'avait frappée dans son orgueil et sa responsabilité. Comment ? Elle avait ordonné à Evelyne de ne point sortir de sa chambre et la jeune insurgée n'y était même pas entrée. Cela passait toutes les bornes et méritait une exécution en règle. Où irait-on si les jeunes filles se mêlaient d'avoir des idées à elles sur le mariage et sur l'autorité des grands-mères ? Madame de la Rouveraie, après s'être assurée que sa petite-fille n'était pas dans la maison, s'installa dans le hall afin de la prendre au passage quand elle rentrerait. Evelyne, qui ne s'en doutait pas, et l'eût-elle pensé qu'elle eût agi de même, prolongea son absence, dont chaque minute exaspérait la colère froide de la grand-mère. « Vous voilà, » dit la vieille dame d'une voix qui ne tremblait pas, « c'est ainsi que vous m'obéissez ? Allez dans votre chambre, immédiatement, je vais faire prévenir votre père. » À l'idée que Richard pouvait être excité contre elle, que sa conduite serait commentée et présentée sous un jour défavorable à toute sa famille, Evelyne sentit son jeune sang lui monter à la tête. « Prévenir mon père, dit-elle sèchement, pour qu'il vienne me donner le fouet, comme vous auriez voulu qu'on le fît à Edme quand il était petit. N'en prenez pas la peine, grand-maman, je le préviendrai moi-même. » Les cliquetis des gourmettes et le bruit des roues annonçaient que Jaffet quittait la Rouveraie. « Jaffet ! » criait Evelyne. « Attendez-moi, je vais au pignon !» Elle bondit dans la cour avant que sa grand-mère eût pu dire un mot et grimpa dans la voiture légère. Jaffet avait sinon compris, deviné. Il détestait Madame de la Rouvray et n'avait jamais reproché à Evelyne qu'une chose, sa correction trop mondaine à ses yeux et ce qu'il nommait un manque de caractère. La revanche était trop belle pour qu'il ne la saisît pas aux cheveux. « Opinion, dit-il, nous y serons bientôt. Tenez-vous bien, mademoiselle, la jument noire est un peu vive. » Le phaéton filait comme une flèche à travers la campagne dorée par l'automne. Evelyne, grisée d'air vif et de liberté, les cheveux envolés autour du visage, sous un léger chapeau de jardin, goûtait l'ivresse absolue d'une première escapade et ne pensait plus à rien qu'à la surprise de sa grand-mère Brice quand elle la verrait apparaître. Ce fut Edme qui se présenta, le fusil sur l'épaule, le carnier vide, son chien exténué, tirant la langue sur ses talons. Jaffet s'arrêta net. « Tu te promènes ? » dit le jeune homme, négligeant toute préambule, dans sa surprise de voir Evelyne à ce point décoiffée et juchée sur le haut équipage. « Je m'enfuis, » répliqua-t-elle d'un air de triomphe. « Allons, monte, nous allons au pignon. »« Et grand-maman ? » fit Edma abasourdi. « Elle est en colère, » répondit Evelyne. « Allons, monte donc sur le siège de derrière et ton chien ?» « Tu ne vas pas le laisser sur la route. » Edme grimpa, pris par la peau du cou, le pauvre animal qui ne s'attendait pas à pareille fête, s'installa tant bien que mal et les chevaux reprirent leur allure rapide. « Qu'y a-t-il ? » demanda Edme. Evelyne voulut le lui expliquer en anglais afin de n'être pas comprise déjà fait, mais cette langue étrangère lui fit bientôt défaut. « Parle français, va !» dit Edme. « Jaffet sait bien des choses et n'en a jamais rien dit à personne. Jaffet à mon ami. » Dans sa langue maternelle, Evelyne donna sur son aventure des explications rudimentaires qui rendirent Edme tout pensif. « Monsieur de Varcourt, dit tout à coup Jaffet, un monsieur Blot qui a, sous votre respect, une peau tendre comme un petit cochon de lait. Je comprendrai que mademoiselle en préféra un autre. » Le frère et la sœur éclatèrent de rire, rire un peu nerveux et inextinguible, comme il arrive à cet âge. C'est ainsi qu'ils entrèrent au pignon. Odile et Madame Brice avaient vu le phaéton de leur fenêtre sans pouvoir deviner quelles étaient les hôtes qui leur arrivaient de la sorte. Elles vinrent sur le perron pour les recevoir et leur surprise fut grande en voyant descendre Evelyne, Edme et le chien. Pendant que l'imperturbable Jaffet, après avoir soulevé son chapeau de cocher, prenait avec ses chevaux le chemin des écuries. « Maman, » dit Edme en poussant Evelyne dans les bras d'Odile, « je vous amène votre fille que j'ai trouvée sur la route. Et vous, grand-maman, embrassez-la bien vite et venez avec moi. » Il entraîna Madame Brice d'un côté, pendant que Madame Richard, très émue, prenait doucement la taille d'Evelyne pour l'amener de l'autre. « Viens dans ma chambre, » dit la seconde mère. « Nous y serons mieux pour causer. » Fin de la section 90, lue par Agnès Aubi, 2025.